Et bonjour à tous, c'est samedi, on est bien sur Fadjet et on va se payer une tranche de disco funk. Pour la découverte du jour, le groupe Second Image. Alors c'est un groupe originaire du Royaume-Uni qui sévit durant le début des années 80 jusqu'au milieu de celle-ci. Alors autant dire que leur carrière est éphémère. Deux albums de paru, le premier en 1983 avec comme titre Second Image, et le second, en 1985, Strange Reflection. Et puis, plus rien, le néant. On va s'écouter leur premier 45 tours de sortie, Can't Keep Holding On, paru en 1981. Je suis sûr que, comme moi, ça va vous dire quelque chose. Place à l'écoute. La rubrique des 100 hits arrive maintenant et c'est au tour de Joey Tex d'y apparaître. Ain't No Gonna Bump No More témoigne de l'hégémonie commerciale et musicale qu'exerce le disco sur l'ensemble de l'industrie musicale. Joey Tex n'y échappe pas. Il débute sa carrière en 1955 chez King's Records, puis passe chez Atlantis. Alors, de nombreux artistes soul s'essayent en disco avec plus ou moins de succès dans ce label. Joe décide de célébrer le bump, une danse érotique qui est avec le hustle l'une des danses importantes de l'ère disco. Les partenaires dansent en se donnant des coups de fesses ou de hanches tout en se baissant et en se cabrant. Imaginez le tableau. Il raconte avec humour comment, un soir en discothèque, une femme le tire sur la piste de danse et lui fait mal à la hanche en lui donnant des coups de fesses un peu forts. Imaginez encore. Il retourne se rasseoir, mais elle insiste pour qu'il revienne, mais il refuse en répondant « Je ne danserai plus jamais le bump ». Musicalement, le titre rappelle « Rock You Baby » de George Macrae, avec un côté, comment dirais-je, plus cuivré et funky. Ça sera le dernier hit de sa carrière, car il va être emporté par une crise cardiaque en 1982 à l'âge de 47 ans. C'était en 1977, et ça donnait ça. Go. On passe à l'instant français. Les Gibson Brothers, contrairement à la légende, sont bien français et originaires de la Martinique. Leur premier groupe s'appelait d'ailleurs Martinique Express. J'en profite d'ailleurs pour saluer tous ceux d'outre-mer qui nous écoutent, et en particulier le Garns avec qui j'ai fait les 400 coups. Tout le monde connaît Cuba, mais si je vous dis Silver Night, il n'y a plus grand monde là. Alors il est extrait de l'album Emily, paru en 1984. Ce dernier leur vaudra d'ailleurs d'être élu groupe de l'année en Angleterre suite à la publication de l'album. Un son, comment dirais-je, bien plus funky et disco que Cuba, mais tout aussi efficace, croyez-moi. Faites-vous votre avis. Baby, move a little closer. Dance. Wanna feel your body next to mine. Come. Let the loving start, my darling. Dance. Wanna hold you one more time. Silver nights are made for love, so why don't you stay? Darling, dance. Why the feeling is so right? Silver nights are made for love, so why don't you stay? Tomorrow is another day. Silver nights. All I wanna do is make love to you. Silver nights. All I wanna do is drive you wild. Silver nights. All I wanna do is hug and kiss. Silver nights. What I wanna do is make love to you. Alors, c'est pas mal hein, quand même. Hein. Ça vaut Cuba. Hein. Alors, on va enchaîner avec le maxi. Une chanson que l'on n'a pas entendue depuis longtemps, Stephanie Mills et son Never Knew Love Like This Before. C'est le second single de l'album Sweet Sensation, sorti en août 1980. La chanson a remporté le prix de la meilleure chanson R&B en 1981 aux Grammy Awards. Le single atteindra la seconde place des hits hollandais et la sixième aux USA. C'est parti. Since you came into my life. ouvrons la pépite, Billy Ocean et son titre Lucky Man. Le morceau est extrait de l'album Suddenly, paru en 1984. C'est sur ce dernier que figure la chanson la plus connue, Caribbean Queen. C'est aussi son cinquième album studio. On y retrouve son fameux titre Mystery Lady. Alors à ce moment-là, il est au sommet de sa gloire. Et comme on est là aussi pour découvrir, je me suis dit, pourquoi pas vous proposer un Lucky Man. Voyons voir s'il est aussi chanceux que ça. À la fin de notre rendez-vous, mais quelque chose me dit qu'on se retrouve bientôt. Bonne soirée, bye bye.